La chevelure d'eau rouge par Ahmed Abdullah. Cela se passait avant que l'Asie centrale de Boukhara au golfe Persique et de Samarcande aux toundras de Sibérie, aux montagnes de l'Afghanistan, remuées dans ses sédiments par le regain bolcheviste de la guerre, commençât à fermenter moralement tout d'abord, car la révolution débute habituellement par une indigestion psychologique du petit nombre, avant de déborder dans la foule en activité crue et physique. À ce moment-là, j'avais éprouvé le mal du pays, la nostalgie douce et amère de l'Asie centrale, où s'était écoulée ma première jeunesse, des vastes steppes jaunies et desséchées par l'été ou blanchies par les longs et durs mois d'hiver, des hameaux petits mais robustes, bien nichés aux plis de collines bistrées, des villes anciennes effacées par la main du temps et brouillant dessins confus, villes au cœur cruel et rapace, regrettant le temps où le croissant tartare foulait la croix slave sous ses talons éperonnés, gardant le parfum des siècles où les grands khans coiffés de fourrure adressaient des édits arrogants aux princes des maisons Romanov, Stroganov et Chouïski, où les guerriers à face plate et à peau rouge de la Horde d'Or, fouettant leurs petits chevaux hirsutes, se ruaient au pillage du monde occidental. J'étais donc revenu dans mon pays, collectionnant en route non pas des objets, non pas des pièces fêlées de porcelaine persane bleue de pigeon, ni des fragments éraillés d'antiques tapis turcomans, mais des souvenirs, des tableaux nostalgiques, des croquis d'impressions, visions de mosquées s'enflant comme des sons de cloches sous un ciel voûté gris d'ardoise, de naines idoles de pierre brillant dans leur niche grillée au bord des routes à l'allure panégyrique de sept bougies rouges, reliques étant antérieures à ceux où l'islam submerge à la fois la plus douce de Bouddha, des saillies massives de bestions carrées, retapées de granit, chantant l'épopée des dynasties évanouies, des palais de khan, d'émirs et de sultans déchirant le ciel de leurs toits et tourelles, de nuits noires dans les steppes et d'étoiles vertes clignotant avec une sorte d'insouciance cosmique, de moissons rouges grimpant jusqu'à l'arrière-plan jacinthe des montagnes, de toute cette convergence et cette dispersion de lignes et de couleurs asiatiques absolument sans logique ni but, mais battant au rythme de complaintes d'une race distincte. J'éprouvais aussi d'autres impressions, plus humaines et plus poignantes, que j'emmagasinais en vue de mes futurs rêves nostalgiques. Impressions de foule et d'individus, asiatiques et européens, bouillonnant dans le même chaudron de troc, de mensonges et de politique. Impressions de ce choc de race contre race, de religion contre religion, de civilisation contre civilisation, qui est le fléau et sera peut-être en définitive le salut de l'Asie centrale. Impression de ces estampilles et pierres militaires du brusque progrès russe, un dépôt de chemin de fer, un garage, un cabaret, une église, une cocotte allemande, une liasse d'arides statistiques commerciales, un globe-trotter américain, une machine d'imprimerie, un sergent capote grise du régiment de Viborg se saoulant abominablement avec une bouteille de vodka Monopole, image se détache en relief sur ce foyer fanatiquement voilé de la vie et des préjugés tartares. J'avais enfin l'impression d'un murmure tentateur échangé d'une race à l'autre à travers l'abîme des méfiances héréditaires, murmure souvent formulé par des lèvres douces de femme. Et dans ma cervelle se projetait nettement la silhouette de Suzanne de Cassagnac, avec son invraisemblable chevelure d'eau rouge rayonnant en ombelles de boucles écourtées, avec ses pieds étroits et ses mains blanches, pirouettant sur la scène de l'Apollo Music Hall, établissement que flanquait par un hasard caractéristique et sardonique à droite une caserne d'infanterie russe, grise et bâtie de pacotille, à gauche la petite mosquée tout en nuances, roses et orchidées, de Balayawa, dédiée au saint patron de Boukhara. En pizzicati tintant de violon, en note basse et mellifluent de violoncelle, l'orchestre accompagnait sa chanson qui se déversait par-dessus la rampe de lumière ambrée avec la cadence nasale et métallique que les gouttières et ruisseaux parisiens. Fantassins, officiers, colons, montaient à l'assaut de mes mamelons, ils me prenaient pour une citadelle à Grenelle. « À Grenelle » répéta-t-elle en écho, la voix bondissant à l'octave aiguë, cependant que la musique se terminait en borborygme formidable et grotesque de bassons et clarinettes, et qu'elle disparaissait dans les coulisses au froissement soyeux de sa jupe ronde et courte, après avoir lancé le pied gauche vers les frises dans un geste d'adieu impudent et gamin. « Bravo, bravo, bis, bis, bravissimo !» Comme un tonnerre lointain, les applaudissements crépitèrent et s'enflèrent, trépignèrent par saccades et bourdonnèrent en ondes fiévreuses, puis se coagulèrent en un bloc de vacarme russe, tartare et turcoman, se démenaient à l'envi. « Elle est superbe !» murmura le prince Alexandre Semyonovitch Demidov, capitaine dans un régiment de hussards noirs, à son ami Jérôme Townsend, attaché au consulat de Sa Majesté britannique. Demidov était très jeune. Il avait à peine 25 ans et possédait une de ces beautés qui font tressaillir, avec ses épais cheveux noirs bouclés sur un fond d'ivoire, la courbe de son nez romain et court, aux narines nerveuses, sa bouche d'un rouge vif et ses yeux bruns pailletés d'or, curieusement innocents et curieusement intenses, des yeux de rêveur, de fanatique. Le personnage tout entier semblait un héros de roman, ombre capricieuse de quelques siècles oubliés, où les hommes se promenaient avec des rapières aux côtés, également prêts à soutenir quelques duels à mort, ou à écrire quelques fades madrigales pour un sourire de femme. « Superbe » répéta-t-il. « Parfaitement », approuva l'anglais. « D'entrement juteuse, cette dernière chanson, hein ?» À une table de l'autre côté de la salle était assis Timur Kadjar Khan, le chef turcomain Teke, récemment de retour d'un séjour de 2 années en France et devenu étonnamment parisien. Sa moustache tirée, ses cheveux longs rejetés en arrière du front et son monocle cerclé d'or donnaient un démenti à ses pommettes proéminentes et à ses yeux de tartare, noirs et petits comme des pois. Il se tourna vers son compagnon, le vicomte Jean-Marie de Breuil, du service consulaire français, et se départit de la réticence musulmane. « Charmante, cette petite Suzanne, dit-il, mais elle revient chère. Vous avez remarqué le cabochon d'émeraude à sa main gauche ? Trop gros, pour ne pas être faux. Absolument authentique, néanmoins, il m'a coûté le revenu de 10 de mes villages, 40 000 francs chez Pollock, rue Royale. Suzanne coûte gros, alors ? Dit le français en souriant. « Très cher, car il y a toutes ces factures que je paye et ces regrettables infidélités que j'endosse. » Il se mit à rire. En ce moment, il était européen jusqu'au bout des ongles. Elle explique factures et infidélités par une de ces calembres inhabituelles en disant que toute femme a besoin d'un petit changement d'occasion. « Superbe, » disait Demidov pour la 3e fois, tandis que dans toute la salle se déchaînait une frénésie de bis, bis, persistant. « Je crois que je l'aime. Ses yeux sont très doux, très innocents. »« Très quoi ?» demanda Townsend. Le prince ne fit pas attention à la question étonnée de son ami, il l'avait à peine entendue. « Et sa chevelure » continua-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. « C'est une promesse, un espoir de rêve oublié. C'est un coucher de soleil soudain, sublime et merveilleux. » Mon Dieu ! Il avait dans les yeux toute la poésie de ses 25 ans. Toute l'imagination bigarrée et le mysticisme douloureux de son âme russe. Sa chevelure est comme son cœur, clair et doré. Townsend commençait à se sentir embarrassé. En bon anglais, il n'aimait pas voir la nudité d'une âme étrangère. Il s'effrayait un peu, parce qu'il connaissait bien son compagnon. Cette douceur slave, molle et lente, cette imagination d'enfant, blanche comme de l'argent, pure de toutes ces vagues formes de satire lipue qui corrompent le cœur de l'Europe occidentale. « Écoutez, Sacha, » dit-il, « je ne puis croire qu'à cela vous alliez me dire en face que cette petite chanteuse parisienne à poil de carotte vous a pris à son hameçon. Que vous, oh !» De plus en plus embarrassé, il se tortillait devant le mot. « Que vous l'aimez ?»« Je l'adore. Je m'arrête à l'ombre de sa beauté et je baisse la tête. » « Ma sainte grand-tante !» s'écria l'anglais. « Terriblement poétique, vieille branche, absolument épatant. Je sais ce que c'est. Étant étudiant à Oxford, j'en tombais amoureux de la fille d'un cellier de High Street, et je lui achetais 3 selles de chasse dont je n'avais nullement besoin. Je m'adressai à elle en vers latin serpentin et en dithyrambe pindarique. « Ça va bien. L'amour est comme la rougeole. Mais vous êtes un jeune fou si sérieux. Laissez-moi vous dire... » Le reste de sa phrase fut englouti dans une avalanche de sons. L'orchestre se livrait à des éructations syncopées de tambours et de flûtes servant d'introduction au numéro suivant du programme, une troupe de nègres américains. Ils dansaient les pieds à plat, avec la grâce étrange et sauvage de leur race, mais le public ne s'intéressait nullement à eux en ce moment. Il réclamait Suzanne. « Bis, bis !» Un petit colonel de Cosaques, à la trogne empourprée et aux jambes arquées, se leva et agita vers la scène une main impérieuse. « Pochal » cria-t-il au nègre. « Fichez le camp !» Les Noirs se mirent à rire de bonne humeur et firent des signes vers les coulisses où attendait Suzanne. « Bis, bis !» reprit le rappel avec insistance. Alors, voyant que les phrases polies de l'Europe occidentale ne produisaient pas le résultat désiré, les Russes de l'assistance, pour employer une métaphore, rentrèrent leurs pantalons dans leurs bottes et redevinrent de purs slaves. Ils éclatèrent en compliments russes, sonores et dramatiques. Ils la voulaient, ils la demandaient, et les applaudissements redoublèrent quand elle revint enfin sur la scène, riant, envoyant des baisers à droite et à gauche. Le tumulte cessa brusquement, et il se produisit un vide de silence. Suzanne de Castagnac recommença sa chanson. Quand je vois les filles de 17 ans, nouvelles clameurs assourdissantes, battements de mains, cliquetis de dagues. Ag Golubushka ! Cria un joyeux boucher russe au teint vermeil, puant encore le mouton découpé dans la journée. Il fouilla dans sa ceinture de cuir tressé, en sortit une bourse bien remplie et la lança sur la scène. Un officier de l'émir de Boukhara, avec de longues mains efféminées et une barbe rougie au henné, se leva et marcha vers la scène. Nul Européen ni chrétien n'allait le surpasser dans un geste de magnificence. Il s'inclina, ronronna des mots persans d'admiration polie, qui se terminèrent par un sonore « Temoudoud Allah ». Ôta de son pouce un diamant jaune de 10 carats monté sur platine martelée, et le laissa tomber aux pieds de l'artiste. Le tapage et l'enthousiasme allaient crescendo. On jetait sur la scène des fleurs, des gants, de l'argent, des bijoux. Un jeune chef turcoman de l'oasis de Merve présenta une dague au fourreau d'or et à la poignée constellée d'émeraudes que l'un de ses ancêtres avait ensanglantée 6 siècles auparavant lorsqu'il suivit Genghis Khan, l'empereur mongol, à la conquête du monde occidental. Un prince circassien, ivre, abandonna ses escarpins cousus à la main, en cuir verni, formulant avec un attendrissement alcoolique l'espoir qu'il protégerait les menus pieds de mademoiselle contre les durs cailloux semés sur le sentier de la vie. Un conseiller à barbe blanche du service forestier de l'Asie centrale, que son âge aurait dû assagir, détacha de son revers l'étincelante décoration de l'aigle rouge et la lança par-dessus la rampe. La scène était russe, elle était asiatique, elle était barbare et splendide. Et tout le temps, Suzanne de Castagnac souriait, badinait et esquissait des gestes de gratitude. « Merci, merci, mes amis !» Elle ramassa la moisson, y compris fleurs, gants, boutons de manchette, rouble russe et tome d'or de Boukhari, y compris même les escarpins vernis du prince circassien, aidé par sa femme de chambre, une bretonne sévère et vêtue de noir, venue de sa loge. Elle le fit sans la moindre honte, comme une affaire de simple bon sens. C'était le genre de femme qui ne pourrait parler à un archange sans lui adresser des œillades et le faire rougir. Mais elle était latine jusqu'au cœur. Elle avait un compte en banque qui grossissait rapidement au cri des Lyonnais de Paris. « Merci, ah merci, merci, mes amis. Au revoir, à demain !» Puis s'adressant à sa servante à voix basse, « Quelle bestiole stupide, hein, Marie-Claire ?» Et sur une dernière pirouette, elle disparut dans les coulisses. Même quand la troupe nègre eut recommencé sa danse légère et glissante au son d'une mélodie qui rappelait la Louisiane, ses champs de maïs et ses forêts de canne à sucre, l'enthousiasme de la foule fermentait encore. On entendait les explosions sporadiques de bravo et de battements de mains en staccato, et l'on voyait encore étinceler des yeux bleus de slaves, des yeux noirs de tartares et de turcomans. Ce n'est pas que la française fût belle, il s'en fallait de beaucoup. Elle ne pouvait chanter 3 notes justes, et sa danse n'avait rien d'exceptionnellement gracieux. Cependant, Jérôme Townsend avouait qu'elle était extraordinaire, qu'elle possédait un je ne sais quoi. Elle possède une âme grande et douce et embaumée, dit le prince Demidov, et il ajouta d'une voix curieusement calme et froide, « Je l'épouserai. » « Quoi ?» L'anglais se redressa, éveillé de son flegme habituel. « Vous dites que, si elle veut bien de moi. » « Vous ne parlez pas sérieusement, mon ami. » « Si. » « Vous êtes insensé, foyer. » « De ma vie, je n'étais plus sain d'esprit ni plus décidé. Grand Dieu !» Townsend était complètement bouleversé. Il connaissait l'homme et la femme. Il savait que Suzanne de Castagnac, socialement et moralement, n'était qu'un phénomène saisissant de savoureuse fainéantise, pourri de luxe et gâté par les privilèges, dorlotant la dureté de ses propres pensées et ponctuant la vie des étrangers avec le poignard acéré de sa personnalité. Et cet homme à l'âme tendue par l'idéalisme, ce Don Quichotte des steppes, cette espèce d'anormal comme Townsend devait le décrire par la suite, dont la passion durable ne pouvait être que l'honneur avec un H majuscule, parler de la douceur embaumée de son âme, parler de l'épouser. Sur la scène, les nègres recoulaient d'un ton bas et traînant. « Loulou, ma loulou, je t'aime d'amour extrême. Adorable, notre petite Suzanne, » dit un capitaine de Tcherkesse à la table voisine. « Absolument, » approuva son compagnon, le conseiller à barbe blanche, qui avait détaché sa décoration pour la jeter à ses pieds. « Malheureusement, » soupira-t-il, « c'est fait pour les jeunes, pas pour les bons hommes comme moi. À mon âge, le fruit défendu est presque toujours en conserve, en des boîtes scellées. Je me demande s'il a de la cervelle, Boris Fedorovitch. Qu'importe, Dimitri Petrovitch, elle en a certainement assez pour savoir que le monde ne veut rien d'elle, excepté elle-même. Sa chevelure, s'écria le Cosaque, elle m'enivre. Tiens-t'en à la vodka, petit frère, c'est meilleur marché et moins délétère. De l'autre extrémité de la salle, sonnant incisive et claire dans le silence funèbre qui suivait la danse des nègres après quelques faibles applaudissements, parvint la voix de Timur Kadjar Khan, le chef turc commun, s'adressant au vicomte de Breuil. « Ma foi, non, mon ami, on ne peut vraiment pas aimer une telle femme. » Townsend regarda Demidov, se demandant s'il avait entendu ce dur et ironique commentaire. Il n'y paraissait pas. Le jeune homme demeurait tranquille, les yeux purs comme des étoiles. Townsend éprouva un léger frisson. Il voulait dire quelque chose à l'autre et se demandait comment s'y prendre. « Vous ne parlez pas sérieusement, n'est-ce pas ? » balbutia-t-il enfin, cherchant à gagner du temps, sachant bien quelle serait la réponse. « Tout ce qu'il y a de plus sérieusement. Je vais lui faire ma demande ce soir. » C'est alors que tout à coup, l'Anglais résolut de lui dire la vérité. Cela l'embarrassait, le mettait mal à l'aise, aussi aborda-t-il le sujet d'une façon détournée. « Écoutez, Sacha. » « Vous n'allez pas me prendre pour un mal appris. Pour quelle raison ?»« En raison de ce que je vais vous dire. Allez-y. »« Eh bien, oh, je suppose que c'est le bon vieux truc, très honnête, vous savez, de découvrir tout ce qui concerne le garçon qui va épouser votre sœur, hein ? Mais quand il s'agit d'une femme... »« Attendez !» interrompit Demidov. « Laissez-moi vous terminer ce que j'ai à vous dire. Quand il s'agit de la femelle de l'espèce, de la femme qui va se marier avec votre meilleur copain, alors... » Quel est le terme ? C'est cela, la chevalerie. C'est ce que nous avons censément dans le cœur. Mais je déteste ce mot baroque. C'est le genre d'ânerie qui essaye de nous faire croire que toute femme, quelle que soit sa vie passée, du moment que quelqu'un fait sa demande et parle de voile et de fleurs d'oranger, se métamorphose miraculeusement en une douce innocence de 16 ans, la tête couronnée de petites fleurs bleues pâles. Eh bien, je ne veux pas jouer ce rôle d'hypocrite radoteur. Pas en ce qui vous concerne, Sacha. Vous me haïrez ensuite, mais je vais... Je vous en prie, laissez-moi placer un mot, Jérôme. Après, vous m'écouterez d'abord. Mais je sais ce que vous allez me dire, hein ? Oui, continua le russe, toujours de sa voix froide et curieusement égale. Vous voulez me dire que Suzanne et vous, et Timur Kadjar Khan, quoi, vous savez ? Je ne suis ni aveugle ni fou. Aveugle ? Évidemment non, je le vois maintenant, mais... Soudain... Dans un éclair, comprenant pleinement le dessein de l'autre, l'Anglais fut emporté par un afflux de colère qui lui laissa la cervelle congestionnée et sèche. Mais quant à ne pas être fou, eh bien, sa voix s'éleva. « Vous êtes fou. Vous êtes le plus grand fou, le plus sacré fou le plus incurable qui se soit jamais évadé d'un asile d'aliénés. » Le prince Demidov sourit, se renversa sur sa chaise et allongea les jambes. « Oh !» Il n'était pas le moins du monde ni excité ni fâché. Ses yeux semblaient fixés bien au-delà de cette salle étincelante, pleine de fumée de gens qu'il regardait sans les voir. Bientôt il les rétrécit, les concentra sur son ami et se pencha en avant. Ses doigts déliés jouaient avec son verre à champagne. Son visage se détacha en relief dans le cercle électrique tombant de l'abat-jour rose au milieu de la table couverte de marbre. La lumière accentuait le front uni, le nez romain, les yeux rêveurs aux paupières lourdes. « Écoutez, Jérôme, dit-il avec le plus grand calme. À quoi bon ? J'ai horreur de voir un type que j'aime se crucifier de gaieté de cœur. Écoutez quand même. » Demidov sourit de nouveau. Il y avait quelque pitié dans son sourire. « Je vous plains. »« Vous me plaignez, moi ?»« Oui. Et pourquoi ?»« Parce que vous êtes un anglo-saxon indécrottable, la tête alourdie par un sentiment de rectitude personnelle et pommadée par l'huile des vertus fabriquée en série et sur commande. »« Quoi ?» Sa voix brandit un degré de force extraordinaire. « C'est moi qui suis fou, moi ?»« Parce que je suis assez viril, assez décent pour nier que la pureté soit une sorte de fétiche cruel, immaculée de sang, qui, une fois brisée ou tachée, ruine à jamais la vie d'une femme. Parce que je crois que la pureté est une qualité de l'âme et non du corps. C'est vous qui êtes fou, Jérôme, et non moi. Vous me faites mal au cœur, » fut la riposte grossière de l'anglais. « Très bien, » Demidov se leva. « Où allez-vous ? » demanda Townsend en repoussant sa chaise. Son compagnon s'en alla, cherchant sa route entre les tables, se dirigeant vers l'autre bout de la salle. Townsend le suivit. « Je regrette vivement mes paroles, Sacha, » dit-il. « Je n'avais pas l'intention de froisser vos sentiments. »« Vous ne m'avez pas froissé, Jérôme. »« J'en suis heureux, mon vieux camarade, » répondit Townsend. Puis, comme l'autre continue à marcher, un soupçon lui traversa l'esprit. « Où allez-vous ? » répéta-t-il. « Vous ne m'approuverez pas. »« Vous ne... » Demidov s'interrompit pour échanger de ci de là des salutations courtoises avec des personnes de connaissance et des camarades officiers. Здравствуйте, Дмитрий Петрович. Как провожаете, Александр Семенович? До завтра, Киан Знарешкин. Je veux savoir où vous allez, demanda Townsend, posant une main sur le bras de son ami pour le retenir. Je vais parler à Timur Kajarkan. Quoi? Vous n'avez pas l'intention de le chercher Karel? Naturellement. Pourquoi le ferais-je? Mais alors quelle est votre intention, hein? Townsend n'eut pas le temps d'achever la question, car ils atteignaient la table de Timur Kajarkan. Le Turcoman racontait au vicomte de Breuil, le dernier potin du boulevard, agrémenté de commentaires piquants. Voyez-vous, mon ami, la seule excuse qu'elle put alléguer pour demander le divorce, c'est qu'elle était fatiguée de vivre seule. Aussi le juge... « Je vous demande pardon !» interrompit Demidov. Il portait l'uniforme sombre et brodé d'argent des hussards noirs. Il salua réglementairement en faisant sonner ses talons et prenait. Timur Kajarkan, je crois, en personne. Le Turcoman se leva et s'inclina poliment en laissant tomber son monocle. Je suis le prince Demidov, Alexander Semyonovitch Demidov. Charmé, en vérité. Voulez-vous ? L'autre fit un geste d'invitation vers la chaise inoccupée et la bouteille de champagne à demi pleine. Non, merci. Alors à quoi puis-je attribuer l'honneur ? Je suis venu vous poser une question, Khan. « Si je puis vous être utile en quelque chose, prince ?»« Vous le pouvez. »« En vérité ?»« Vous pouvez me rendre un signalé service, hein ?» Timur Kajarkan fixait son interlocuteur de ses yeux obliques de tartare. « Oui. » La voix de Demidov était impassible comme le destin. Ses mots tombèrent lentement, un par un, comme les gouttes d'un glaçon. « Êtes-vous... Pardonnez-moi, Khan, mais êtes-vous amoureux de mademoiselle Suzanne de Cassagnac ?» À la table voisine, un commandant d'artillerie, bedonnant et saturé de vodka, entendit la question. « Oui, oui, mon Dieu » murmura-t-il. Le vicomte de Breuil se redressa, raide. Il se demandait s'il devait en croire ses oreilles. Il jeta un regard sur le Turcoman. Celui-ci, pour un instant, oublia son français et son russe, il oublia son vernis soigné de culture européenne. « Kaoudi Ramoutlouk, créateur tout-puissant !» s'écria-t-il d'une voix épaisse, dans un patois indigène. Après tout, c'était un Asiatique et un musulman. Peut-être n'y avait-il pas un seul commandement du Coran qu'il n'eût foulé aux pieds à un moment ou l'autre de sa vie. Mais ses préjugés en ce qui concerne les femmes restaient éternels, immuables, inaltérables par les railleries et bousculades du progrès occidental. Être questionné par un étranger sur une personne de son harem, épouse, mère, sœur, fille ou maîtresse, il ne pouvait le souffrir. C'était contraire à toutes les règles de son code moral. C'était une insulte à laver dans le sang. D'une façon presque automatique, sa main chercha l'endroit où, sous son costume national, il portait le hanjar ou poignard à large lame. Tout ce qu'elle rencontra fut une coquette chaîne de montres françaises en platine enrichie de perles petites mais exquises. Et ce contact lui rappela brusquement, ironiquement, sa moustache cosmétiquée, sa chevelure rejetée en arrière, son monocle et les années passées à Paris. Il ferma complètement les yeux pendant un instant, et son visage, jaune comme du vieux parchemin, sembla devenir indifférent, morne, presque endormi. Il ne tarda pas à rouvrir les yeux et dit en souriant « Je ne vois pas, prince, en quoi cette petite affaire personnelle peut vous intéresser. Elle m'intéresse cependant. Elle m'intéresse essentiellement, répondit le russe. Réellement, je ne cherche pas à fouiller dans votre vie. Mais est-ce que cela ne vous ferait rien de me le dire? L'aimez-vous? » Le turcoman gardait le silence. Il sentait remonter une colère provoquée, cette fois par la jalousie et non pas par l'outrage à sa morale islamique. Il regardait Demidov, debout devant lui, immobile, grand, jeune et beau. Puis, à cette double rage, va s'en amalgamer une troisième, la haine de race contre race. Pendant un moment, il cristallisa dans son cœur tout le mépris et l'aversion que Slaves et Tartares éprouvent les uns contre les autres depuis que ces derniers, enfourchant leurs poneys hirsutes de Mongolie et brandissant la torche et le cimeter, balayèrent les steppes de l'Asie centrale jusque sous les murs du Kremlin. Mais encore une fois, il maîtrisa toute manifestation extérieure et prononça d'une voix relativement émue « Je me flatte d'être un homme d'honneur et de goût. » Ce qui veut dire, Khan, ce qui veut dire que, naturellement, chaque mot était articulé comme un fait grave et distinct, je ne puis aimer, à proprement parler, une femme de ce genre. « Je l'aime, » répondit simplement Demidov. La réplique fut assénée comme une insulte. « C'est lamentable. » « Cependant, si vous l'aimez, pourquoi me le dire à moi? Dites-le-lui à elle. Ce serait plus logique, il me semble. » « Comment l'aurais-je pu ? » riposta Demidov, « avant de connaître vos sentiments. Si vous l'aviez aimé, je n'aurais pas voulu lui avouer votre propre amour. C'est cela même, » dit Demidov d'un air très raide. « C'est charmant de votre part, » dit l'autre en souriant, « de tant vous soucier de mon honneur. Je ne pensais pas à votre honneur, Khan. Je tenais compte du mien. » La figure du turcoman ressemblait à un masque sculpté. Mais derrière ses petits yeux obliques, son cerveau était travaillé d'une fureur cramoisie. « Oh » ajouta-t-il, réprimant ses accents avec effort, « vous aimez Suzanne, vous savez que je ne l'aime pas, et alors vous me demandez de vous l'abandonner. Vous m'en demandez cela, comme une faveur. » « Une très grande faveur, » concéda Demidov, et sa voix tremblait à mesure que sa propre rage montait au niveau de l'autre, une rage également composée de jalousie, de morale outragée et d'une aversion de race. « Je vous accorde cette faveur, » dit Timur Kadjarkhan en s'inclinant tout d'une pièce. Il se redressa et alluma un cigare. « Savez-vous pourquoi ? Dites. Suzanne devient un peu trop dispendieuse. « Car naturellement, vous savez que je l'entretiens au point de vue financier. »« Oh oui !» La lèvre supérieure de Demidov commençait à frémir. Il devenait très pâle. Ses doigts jouaient nerveusement avec le gland d'argent de son ceinturon. Townsend sentit le tumulte qui agitait l'âme de son ami. Il avança tout près, toussa discrètement, posa sa forte main sur les bras de l'autre. Il regarda d'un air implorant le vicomte de Breuil, qui releva les sourcils comme pour dire qu'il ne voulait se mêler en rien de cette affaire. « Et je suppose, » continua le turcoman sans pitié, « que vous allez lui offrir plus d'argent que moi, de plus beaux bijoux. »« Je vais lui offrir mon nom, » dit Demidov. Il salua en claquant des talons, fit demi-tour et s'en alla, accompagné de Townsend. Timur Kadjarkhan le suivit d'un regard fixe et la rage s'enfla dans son âme en vagues mortelles, orientale jusqu'au cœur. Et par conséquent pratique, il considérait comme essentiel de la vie le fait et non le rêve. L'autre, se disait-il, était un fou, coupable d'idées fixes, d'idéalisme spiritualiste, et il haïssait un démon plus encore qu'un coquin. « Vous avez admirablement gardé votre sang-froid, » remarqua le vicomte de Breuil. À un moment donné, il semblait bien qu'il faudrait des pistolets pour deux et du café pour un. « Cela peut arriver encore, » répondit l'autre. « Oh non, vous avez laissé passer l'occasion. Vous ne pouvez pas lui imposer une querelle maintenant, ce serait par trop évident. C'est lui qui imposera la querelle, et non moi, comment cela ?»« Écoutez, dit le Turcoman en souriant, avec un geste dans la direction de Demidov, qui s'était arrêté à quelques pas pour allumer un cigare, et dont la voix leur parvenait en ronronnement inintelligible. Oui, disait le russe à Townsend, il y a ce diadème de perles que la Tsarita donna à ma grand-mère, Alona Vassilievna. Il paraîtra magnifique sur les cheveux d'or et de Suzanne. Il piquera des pointes d'argent dans cette glorieuse auréole. Jérôme, dites-moi, avez-vous vu au monde une chevelure pareille ? Ah, murmura le Turcoman. Nous avons un dicton chez moi d'après lequel il n'est pas de peau à moitié rongée au vert qui ne trouve mesureur à demi aveugle. Nous avons aussi un proverbe disant que le chameau qui va trop souvent à la Mecque finit par revenir boiteux. Je me méfie toujours de vous, dit en riant de Breuil, quand il vous pousse une éruption de métaphore orientale. Vous faites bien, répliqua Timur Kadjar Khan. Il se leva. Prince, appela-t-il d'une voix forte, prince Demidov. Celui-ci se retourna. Et encore une fois, un frisson soudain d'anticipation tragique balaya la salle. La musique s'arrêta sur un point d'orgue discordant, ponctué par le bruit d'une corde. Comme une bande d'automates obéissant au même bouton de manœuvre, tous avançaient la tête. Oui, dit Demidov en revenant sur ses pas. Qu'y a-t-il ? Oh, un détail insignifiant. Ne vous ai-je pas entendu à l'instant demander s'il existait au monde des cheveux pareils à ceux de Suzanne ? Eh bien, Demidov se rapprochait, la figure blanche, tremblant un peu. Il y en a. Il y en a des tas. C'est le cas de le dire, chez votre œil, à Paris, où Suzanne achète les siens. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, voilà 3 ans, ses cheveux étaient noirs. Noirs comme la nuit. Noirs comme... Il n'acheva pas sa phrase. « Vous mentez !» s'écria Demidov en le frappant vivement de ses gants à la joue gauche. Ce soir-là, Alexander Semyonovitch Demidov essaya de faire comprendre à Jérôme Townsend, entêté comme un véritable Anglais d'Angleterre, que le duel était inévitable, qu'il ne pourrait présenter des excuses pour une insulte accompagnée de voix de fête. Qu'en mentant au sujet des cheveux de Suzanne, le Turcoman avait réellement pollué l'honneur de cette femme, son âme, son être intime et sacré. Puis, quand son ami l'eut quitté, il lui fit une longue prière à Sainte Cyril, son patron, et s'endormit comme un petit enfant, car il n'éprouvait aucune crainte et se sentait sûr de tuer son adversaire. Le lendemain matin, il déjeuna de bon cœur et accompagné de son témoin. Jérôme Townsend se fit conduire en voiture à une petite clairière dans la forêt de chênes située à peu de distance de la porte de Samarcande. Là, sous la voûte d'un ciel tendu de rose et de gris, avec les dômes et les minarets de Boukhara se profilant sur l'horizon lointain, Timur Kadjar Khan lui logea une balle dans le cœur. En conséquence, Townsend télégraphia aux parents du mort de la petite ville de Kazan et le transporta à son appartement. Il semblait beau, innocent, romantique et très heureux là, gisant sur son lit de parade, entre les grands cierges jaunes et les fleurs, avec le petit crucifix d'ivoire entre ses mains jointes, les acolytes balançant leurs encensoirs d'argent, et le prêtre russe coiffé de la mitre, barbu et de haute taille, psalmodiant l'hymne de ceux qui meurent dans la foi. Pèlerin, repose à l'abri du mal. Ton effort est fourni, ta bataille est gagnée. Remets au fourreau ta vaillante épée et retourne en vainqueur à ton pays natal. Et Suzanne de Cassagnac vint le voir. Timur Kadjar Khan lui-même lui avait raconté l'affaire, l'insulte et le duel. « J'en suis navré, ma chère, avait-il dit, mais je vais être obligé de quitter Boukhara sur le champ, de retourner au temple de ma tribu jusqu'à ce que la rumeur s'apaise. » Maintenant, il était agenouillé près de la bière d'Alexandre Semyonovitch Demidov, et de façon ou d'autre, une idée faisait jour dans son âme creuse, dans son âme de clinquant. Elle songeait aux nombreux hommes qu'elle avait connus. Elle se rappelait comment, du premier au dernier, tous avaient comploté, intrigué et menti. Elle se disait que l'unique chevalier vraiment honnête, le seul au monde, était ce garçon mort. Ensuite, elle pensa à sa mère à lui, puis à la sienne propre, et elle se sentit profondément triste. Elle se mit à pleurer et sangloter, et les mouvements de son corps firent trembler les grands cierges, et quelques gouttes de cire brûlante tombèrent sur ses cheveux dorés qui avaient causé la mort de Demidov. Elle rentra chez elle à pied, dans le soir, à la paupière pourpre. Elle pénétra dans sa maison, non loin de la mosquée de Balaïawa, dans son boudoir rose et blanc, qui reflétait sa propre âme, avec ses aquarelles décevantes dans leur cadre prétentieux, avec ses ustensiles de toilette en cristal or et ses coussins de satin de couleur orchidée recouverts de dentelles. « Marie-Claire, dit-elle à sa bretonne, j'ai une affreuse migraine. Madame veut-elle que je lui frotte les tempes avec de l'eau de Cologne ? Je veux bien. » « Madame, dit Marie-Claire un instant après, en caressant de ses mains expertes les tempes palpitantes, qu'est-il donc arrivé à vos cheveux ? » Suzanne de Cassagnac se regarda dans le miroir. « Oh ! S'écria-t-elle un peu contrariée, c'est de la cire chaude qui est tombée dessus. Je vais envoyer la perruque à Paris, à M. Vaudreuil. Madame pourra porter la vieille jusqu'à ce que celle-ci revienne. « Oui, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, » soupira Suzanne. « Je vous en prie, remettez-moi un peu d'eau de Cologne. J'ai horreur de ces intermèdes sensationnels. » Et elle ferma les yeux. C'était « La chevelure d'eau rouge » par Ahmed Abdullah.